Pas changé, hey. Toujours les mêmes infos, que ça ne va pas, toujours les mêmes infos, que ça ne va pas, ça n'a pas changé, toujours les mêmes infos, que ça ne va pas, toujours les mêmes infos, que ça ne va pas, ça n'a pas changé, c'est toujours le même refrain, le monde va pas. Non, il faut mettre la peur, toujours la peur, toujours la peur. On règne avec la peur. Et ça ne va pas, et ça ne va pas. Mais désormais, il n'y a plus rien qui tient. Mais désormais, tout est bancal. Qui ne servent à rien. tous ces crétins. Il n'y a pas que sur Terre. Il n'y a pas que l'humain sur Terre.